Tout est prêt pour la grande parade de la musique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le monde du spectacle. Les vibrations explosives de votre DJ ont la couleur dance music. Rock and roll. Typique et funky. F-U-N-K-Y. Branché à l'écoute des nouveautés musicales du monde entier. Préparez-vous à découvrir des sensations venues d'ailleurs. Dans quelques secondes, vous allez rejoindre l'autre dimension. De longues et superbes minutes de bonheur musical vous attendent. Attention, ça commence. Music.